Chapitre 16e, la Columbiade. L'opération de la fonte avait-elle réussi? On en était réduit à de simples conjectures. Cependant, tout portait à croire au succès, puisque le moule avait absorbé la masse entière du métal liquéfié dans les fours. Quoi qu'il en soit, il devait être longtemps impossible de s'en assurer directement. En effet, quand le major Rodman fondit son canon de 60 000 livres, il ne fallut pas moins de 15 jours pour en opérer le refroidissement. Combien de temps, dès lors, la monstrueuse Columbiade, couronnée de ses tourbillons de vapeur et défendue par sa chaleur intense, allait-elle se dérober au regard de ses admirateurs? Il était difficile de le calculer. L'impatience des membres du Gun Club fut mise pendant ce laps de temps à une rude épreuve, mais on n'y pouvait rien. J.T. Maston faillit se rôtir par dévouement. 15 jours après la fonte, un immense panache de fumée se dressait encore en plein ciel, et le sol brûlait les pieds dans un rayon de 200 pas autour du sommet de Stones Hill. Les jours s'écoulèrent, les semaines s'ajoutèrent l'une à l'autre. Nul moyen de refroidir l'immense cylindre, impossible de s'en approcher. Il fallait attendre, et les membres du Gun Club rongeaient leurs freins. « Nous voilà au 10 août, » dit un matin J.T. Maston. 4 mois à peine nous séparent du 1er décembre. Enlever le moule intérieur, calibrer l'âme de la pièce, charger la Columbiade, tout cela est à faire. Nous ne serons pas prêts. On ne peut pas seulement approcher du canon. Est-ce qu'il ne se refroidira jamais? Voilà qui serait une mystification cruelle. On essayait de calmer l'impatient secrétaire sans y parvenir. Barbicane ne disait rien, mais son silence cachait une sourde irritation. Se voir absolument arrêté par un obstacle dont le temps seul pouvait avoir raison, le temps, un ennemi redoutable dans les circonstances. Et être à la discrétion d'un ennemi, c'était dur pour des gens de guerre. Cependant, des observations quotidiennes permirent de constater un certain changement dans l'état du sol. Vers le 15 août, les vapeurs projetées avaient diminué notablement d'intensité et d'épaisseur. Quelques jours après, le terrain n'exhalait plus qu'une légère buée. Dernier souffle du monstre enfermé dans son cercueil de pierre. Peu à peu, les tressaillements du sol vinrent à s'apaiser, et le cercle de calorique se restreignit. Les plus impatients des spectateurs se rapprochèrent. Un jour, on gagna 2 toises, le lendemain 4, et le 22 août, Barbicane, ses collègues, l'ingénieur, purent prendre place sur la nappe de fonte qui effleurait le sommet de Stones Hill, un endroit fort hygiénique, à coup sûr, où il n'était pas encore permis d'avoir froid aux pieds. « Enfin !» s'écria le président du Gun Club avec un immense soupir de satisfaction. Les travaux furent repris le même jour. On procéda immédiatement à l'extraction du moule intérieur, afin de dégager l'âme de la pièce. Le pic, la pioche, les outils à tarauder fonctionnèrent sans relâche. La terre argileuse et le sable avaient acquis une extrême dureté sous l'action de la chaleur. Mais les machines aidant, on eut raison de ce mélange encore brûlant au contact des parois de fonte. Les matériaux extraits furent rapidement enlevés sur des chariots mus à la vapeur, et l'on fit si bien. L'ardeur au travail fut telle, l'intervention de Barbicane si pressante, et ses arguments présentés avec une si grande force sous la forme de dollars, que le 3 septembre, toute trace du moule avait disparu. Immédiatement, l'opération de l'alésage commença. Les machines furent installées sans retard et manœuvrèrent rapidement de puissants alésoirs, dont le tranchant vint mordre les rugosités de la fonte. Quelques semaines plus tard, la surface intérieure de l'immense tube était parfaitement cylindrique et l'âme de la pièce avait acquis un poli parfait. Enfin, le 22 septembre, moins d'un an après la communication Barbicane, l'énorme engin, rigoureusement calibré et d'une verticalité absolue, relevé au moyen d'instruments délicats, fut prêt à fonctionner. Il n'y avait plus que la lune à attendre, mais on était sûr qu'elle ne manquerait pas au rendez-vous. La joie de J.T. Maston ne connut plus de bornes, et il faillit faire une chute effrayante en plongeant ses regards dans le tube de 900 pieds. Sans le bras droit de Bloomsbury, que le digne colonel avait heureusement conservé, le secrétaire du Gun Club, comme un nouvel aérostrate, eut trouvé la mort dans les profondeurs de la Columbiade. Le canon était donc terminé. Il n'y avait plus de doute possible sur sa parfaite exécution. Aussi, le 6 octobre, le capitaine Nicholl, quoi qu'il en eût, s'exécuta vis-à-vis du président Barbicane, et celui-ci inscrivit sur ses livres, à la colonne des recettes, une somme de $2000. On est autorisé à croire que la colère du capitaine fut poussée aux dernières limites et qu'il en fit une maladie. Cependant, il avait encore 3 paris et de 3000, 4000 et $5000, et pourvu qu'il en gagnât 2, son affaire n'était pas mauvaise sans être excellente. Mais l'argent n'entrait point dans ses calculs, et le succès obtenu par son rival, dans la fonte d'un canon auquel des plaques de ditoise n'eussent pas résisté, lui portait un coup terrible. Depuis le 23 septembre, l'enceinte de Stones Hill avait été largement ouverte au public, et ce que fut l'affluence des visiteurs se comprendra sans peine. En effet, d'innombrables curieux, accourus de tous les points des États-Unis, convergeaient vers la Floride. La ville de Tampa s'était prodigieusement accrue pendant cette année, consacrée tout entière aux travaux du Gun Club, et elle comptait alors une population de 150 000 âmes. Après avoir englobé le Fort Brooke dans un réseau de rues, elle s'allongeait maintenant sur cette langue de terre qui sépare les deux rats de la baie d'Espiritu Santo. Des quartiers neufs, des places nouvelles, toute une forêt de maisons avaient poussé sur ces grèves naguère désertes à la chaleur du soleil américain. Des compagnies s'étaient fondées pour l'érection d'églises, d'écoles, d'habitations particulières, et en moins d'un an, l'étendue de la ville fut décuplée. On sait que les Yankees sont nés commerçants. Partout où le sort les jette, de la zone glacée à la zone torride, il faut que leur instinct des affaires s'exerce utilement. C'est pourquoi de simples curieux, des gens venus en Floride, dans l'unique but de suivre les opérations du Gun Club, se laissèrent entraîner aux opérations commerciales dès qu'ils furent installés à Tampa. Les navires frétés pour le transportement du matériel et des ouvriers avaient donné au port une activité sans pareille. Bientôt d'autres bâtiments, de toute forme et de tout tonnage, chargés de vivres, d'approvisionnement, de marchandises, sillonnèrent la baie et les deux rades. De vastes comptoirs d'armateurs, des offices de courtiers s'établirent dans la ville et la Shipping Gazette enregistra chaque jour des arrivages nouveaux au port de Tampa. Tandis que les routes se multipliaient autour de la ville, celle-ci, en considération du prodigieux accroissement de sa population et de son commerce, fut enfin reliée par un chemin de fer aux États méridionaux de l'Union. Un railway rattacha la mobile à Pensacola, le grand arsenal maritime du Sud. Puis, de ce point important, il se dirigea sur Tallahassee. Là existait déjà un petit tronçon de voie ferrée, long de 21 milles, par lequel Tallahassee se mettait en communication avec Saint-Marc's sur les bords de la mer. Ce fut ce bout de roadway qui fut prolongé jusqu'à Tampa Town, en vivifiant sur son passage et en réveillant les portions mortes ou endormies de la Floride centrale. Aussi Tampa, grâce à ses merveilles de l'industrie, due à l'idée éclose un beau jour dans le cerveau d'un homme, put prendre à bon droit les airs d'une grande ville. On l'avait surnommée Moon City, et la capitale des Florides subissait une éclipse totale, visible de tous les points du monde. Chacun comprendra maintenant pourquoi la rivalité fut si grande entre le Texas et la Floride, et l'irritation des Texiens quand ils se virent déboutonnés de leurs prétentions par le choix du Gun Club. Dans leur sagacité prévoyante, ils avaient compris ce qu'un pays devait gagner à l'expérience tentée par Barbicane et le bien dont un semblable coup de canon serait accompagné. Le Texas y perdait un vaste centre de commerce, des chemins de fer et un accroissement considérable de population. Tous ces avantages retourneraient à cette misérable presqu'île floridienne, jetée comme une estacade entre les flots du Golfe et les vagues de l'océan Atlantique. Aussi, Barbicane partageait-il avec le général Santa Anna toutes les antipathies texiennes. Cependant, quoique livré à sa furie commerciale et à sa fougue industrielle, la nouvelle population de Tampa Town n'eut garde d'oublier les intéressantes opérations du Gun Club. Au contraire, les plus minces détails de l'entreprise, le moindre coup de pioche, la passionnèrent. Ce fut un va-et-vient incessant entre la ville et Stones Hill, une procession, mieux encore, un pèlerinage. On pouvait déjà prévoir que le jour de l'expérience, l'agglomération des spectateurs se chiffrerait par millions, car ils venaient déjà de tous les points de la terre s'accumuler sur l'étroite presqu'île. L'Europe émigrait en Amérique. Mais jusque-là, il faut le dire, la curiosité de ces nombreux arrivants n'avait été que médiocrement satisfaite. Beaucoup comptaient sur le spectacle de la fonte, qui n'en eurent que les fumées. C'était peu pour des yeux avides. Mais Barbicane ne voulut admettre personne à cette opération. De là, maugréments, mécontentements, murmures. On blâma le président. On le taxa d'absolutisme. Son procédé fut déclaré peu américain. Il y eut presque une émeute autour des palissades de Stones Hill. Barbicane, on le sait, resta inébranlable dans sa décision. Mais lorsque la Columbiade fut entièrement terminée, le huis clos ne put être maintenu. Il y aurait eu mauvaise grâce, d'ailleurs, à fermer ses portes, pire même, imprudence à mécontenter les sentiments publics. Barbicane ouvrit dans son enceinte à tout venant. Cependant, poussé par son esprit pratique, il résolut de battre monnaie sur la curiosité publique. C'était beaucoup de contempler l'immense Columbiade, mais descendre dans ses profondeurs, voilà ce qui semblait aux Américains être le nec plus ultra du bonheur en ce monde. Aussi, pas un curieux qui ne voulut se donner la jouissance de visiter intérieurement cet abîme de métal. Des appareils suspendus à un treuil à vapeur permirent aux spectateurs de satisfaire leur curiosité. Ce fut une fureur. Femmes, enfants, vieillards, tous se firent un devoir de pénétrer jusqu'au fond de l'âme les mystères du canon colossal. Le prix de la descente fut fixé à $5 par personne, et malgré son élévation, pendant les 2 mois qui précédèrent l'expérience, l'affluence des visiteurs permit au Gun Club d'encaisser près de $500 000. Inutile de dire que les premiers visiteurs de la Columbiade furent les membres du Gun Club, avantage justement réservé à l'illustre assemblée. Cette solennité eut lieu le 25 septembre. Une caisse d'honneur descendit le président Barbicane, J.T. Maston, le major Elphiston, le général Morgan, le colonel Bloomberry, l'ingénieur Murchison et d'autres membres distingués du célèbre club. En tout, 10. Il faisait encore bien chaud au fond de ce long tube de métal. On y étouffait un peu. Mais quelle joie! Quel ravissement! Une table de 10 couverts avait été dressée sur le massif de pierre qui supportait la Columbiade, éclairée à giorno par un jet de lumière électrique. Des plats exquis et nombreux, qui semblaient descendre du ciel, vinrent se placer successivement devant les convives, et les meilleurs vins de France coulèrent à profusion pendant ce repas splendide servi à 900 pieds sous terre. Le festin fut très animé et même très bruyant. Des toasts nombreux s'entrecroisèrent. On but au globe terrestre, on but à son satellite, on but au Gun Club, on but à l'Union, à la Lune, à Phoebe, à Diane, à Sélénée, à l'Astre des Nuits, à la paisible courrière du firmament. Tous ces hurrahs, portés sur les ondes sonores de l'immense tube acoustique, arrivaient comme un tonnerre à son extrémité, et la foule, rangée autour de Stones Hill, s'unissait de cœur et de cris aux 10 convives enfouis au fond de la gigantesque Columbiade. J.T. Maston ne se possédait plus. S'il cria plus qu'il ne gesticula, s'il but plus qu'il ne mangea, c'est un point difficile à établir. En tout cas, il n'eût pas donné sa place pour un empire. Non, quand même, le canon chargé amorcé et faisant feu à l'instant aurait dû l'envoyer par morceaux dans les espaces planétaires.